66e leçon. La promenade du dimanche. La famille Launay a bien déjeuné ce dimanche. Et les enfants viennent de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois. Ils s'apprêtent à partir quand tout à coup... Oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien. Je vais chercher nos imperméables et nos bottes. Bon, à qui est ce manteau ? C'est le mien. Voilà le tien, Valérie. Et tes bottes ? À qui sont celles-là ? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. Tout le monde est prêt ? Bon, on y va. Exercice. Il s'est promené dans les bois dimanche. Pendant que les parents font une sieste, les enfants remplissent le lave-vaisselle. Je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. C'est moi qui paie. À qui sont ces bottes ? À Jean. Prêt ? Bon, on y va.